Le comité central de la Fédération chrétienne coréenne et le Conseil des églises chrétiennes sud-coréennes ont publié le 1er mars un accord consacré au 98e anniversaire du soulèvement populaire du 1er mars. Le texte indique notamment « Le 1er mars 1919 est le jour historique où notre nation a allumé le flambeau de la résistance patriotique contre le Japon pour recouvrer la souveraineté du pays colonisé par les impérialistes japonais. » La manifestation de Vive l'indépendance du 1er mars a été le soulèvement de masse ayant fait preuve du haut esprit d'indépendance de notre nation dressée contre la domination coloniale et l'oppression des forces extérieures, ainsi que de la volonté inflexible pour l'indépendance du pays. Presque un siècle a passé depuis le soulèvement, mais les forces étrangères menacent gravement toujours la sécurité et la paix de notre nation. Devant notre nation s'impose une tâche importante de continuer l'esprit d'indépendance nationale manifesté lors du soulèvement populaire du 1er mars, pour ainsi conjuguer les forces nationales en vue de sauvegarder sûrement la paix de la péninsule coréenne et la sécurité nationale, et d'ouvrir une large voie à l'amélioration des rapports Nord-Sud. À l'occasion du 98e anniversaire du soulèvement populaire du 1er mars, le comité central de la Fédération chrétienne coréenne et le Conseil des églises chrétiennes sud-coréennes résolus à rejeter les forces extérieures agressives, à préserver l'indépendance et la paix de la nation et à se dévouer pour marquer une phase nouvelle de la réunification de la patrie, déclare la volonté comme suit. Primo. La Fédération chrétienne coréenne et le Conseil des églises chrétiennes sud-coréennes livreront énergiquement le mouvement destiné à obtenir les excuses et l'indignité pour tous les crimes commis à notre nation par le Japon, sans parler de l'esclavage sexuel, à interrompre immédiatement la visite au temple Yasukuni, la dénaturation de l'histoire, les tentatives d'extorsion de l'île d'Odo, la révision de la constitution de paix et le renforcement des forces d'autodéfense, et à déjouer la résurrection militariste et les menées de réagression du Japon. Secondo, la Fédération chrétienne coréenne et le Conseil des églises chrétiennes sud-coréennes s'opposent vertement à toutes les manœuvres de guerre d'agression livrées avec les forces extérieures et consacreront de gros efforts en faveur de l'indépendance et de la réunification pacifique de notre nation. Tertio. La Fédération chrétienne coréenne et le Conseil des églises chrétiennes sud-coréennes mèneront énergiquement les activités solidaires variées pour ouvrir un tournant décisif de l'amélioration des rapports intercoréens et de la réunification indépendante par la force unie nationale, et dans l'immédiat feront l'impossible en faveur de la réalisation le plus vite possible d'un rendez-vous des hommes de religion du Nord et du Sud dans le but de commémorer en commun par le Nord et le Sud le centenaire du soulèvement populaire du 1er mars.